Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, on va passer derrière mon écran et je vais te montrer les avantages de la location en meublé non professionnel au régime réel simplifié. À tout de suite. De LMNP, tu vas pouvoir opter pour le régime au forfait ou le régime réel simplifié. Dans cette vidéo, je vais te montrer les avantages de mettre au réel simplifié. En effet, tu vas pouvoir déduire l'ensemble des charges autour de ton bien immobilier et tu vas pouvoir amortir un certain nombre d'éléments et principalement la valeur de ton investissement immobilier. Donc, nous allons voir ça en détail. Donc, commençons par le prix du bien immobilier. Tu vas pouvoir déduire environ 85% du. Tu vas pouvoir, pardon, amortir environ 85% du prix du bien sur une base d'environ 30 ans. En fait, c'est le terrain que tu ne peux pas amortir. Donc, on pourra sur une moyenne de 15% selon les villes et selon la valeur du terrain, du foncier. Ça pourrait être entre 10 et 20%, mais prenons une moyenne de 15%. Ensuite, ton expert comptable va découper ton bien immobilier selon les différentes structures du bien. Et avec des durées d'amortissement différentes, mais prenons une moyenne de 30 ans. Donc tu vas pouvoir amortir 85% du prix du bien sur une base de 30 ans. Ensuite, si tu as inscrit du mobilier sur l'acte de vente, tu vas pouvoir amortir également le mobilier sur une base de 5 ans. Tu vas pouvoir amortir les frais de notaire, tu vas pouvoir amortir les frais d'agence. Ensuite, tu vas pouvoir déduire tout ce qui est autour, toutes les charges que tu as autour de ton investissement immobilier. Bien évidemment, les intérêts de prêt immobilier. Tu vas pouvoir déduire la taxe foncière, j'ai pas mis la CFE, tu vas pouvoir déduire les frais d'expert comptable, car je te recommande fortement de passer par un expert comptable si tu choisis le régime réel simplifié. Tu vas pouvoir déduire l'ensemble des assurances souscrites dans le cadre du bien immobilier, principalement l'assurance de prêt immobilier, l'assurance propriétaire non occupant. Donc ensuite, je t'ai mis un exemple pour te montrer avec des chiffres ce que cela représentait. Donc pour un appartement de 100 000 euros, avec un achat de meubles de 6 000 euros, on n'a pas de frais d'agence, donc on a environ 8 000 euros de frais de notaire. On a des revenus locatifs de 600 euros par mois, soit 7 200 euros que l'on va inscrire en BIC, puisque ce sont des revenus commerciaux. Donc, je t'ai mis la synthèse de la partie amortie de l'appartement. Donc, tu vas pouvoir amortir 85% des 100 000 euros, plus les frais de notaire, donc plus 8 000 euros. Donc, tu vas pouvoir amortir les 93 000 euros sur 30 ans. Donc chaque année, tu vas pouvoir amortir 3 100 euros par rapport au bien immobilier. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, tu vas pouvoir amortir les meubles sur les 5 premières années, soit 1 200 euros par an. Tu vas pouvoir déduire les intérêts d'emprunt. Donc j'ai pris un prêt à 110% sur 20 ans avec un taux de 1,5%. Donc tu pourras déduire environ 1 800 euros. Déduire la taxe foncière, l'assurance PNO, l'expert comptable, environ 1 200 euros. Soit pour la première année pleine, tu arrives à un résultat de moins 100 euros, c'est-à-dire 0 euros d'impôt. Tu vas pouvoir reporter ces 100 euros sur l'année suivante. Hein, tu ne peux pas venir imputer ton imposition sur le revenu, car ce sont deux sources de revenus complètement différentes. Mais par contre, tu pourras imputer ces 100 euros l'année prochaine et commencer avec moins 100 euros ton année. Donc, cette rapide vidéo pour te montrer que si tu choisis le bon statut, donc LMNP, avec la bonne fiscalité réelle simplifiée, tu peux faire en sorte de ne pas payer d'impôts sur tes revenus locatifs pendant 5-10 ans. Et cela va te permettre d'augmenter sensiblement ta rentabilité et de garder tout le cash flow dans ta poche pour pouvoir soit le réinvestir sur d'autres biens immobiliers, soit te mettre ce matelas de sécurité si important, soit investir sur des travaux qui vont améliorer la valeur de ton bien. Si tu as aimé cette vidéo un peu spéciale où on allait vraiment un peu au bout de la fiscalité avec des calculs comptables, mets-moi un gros like. Tu peux la partager à des amis qui sont intéressés par l'investissement immobilier. Tu peux me laisser un commentaire si tu n'es pas d'accord avec mes calculs, si tu veux que je complète quelque chose. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'encourage à le faire dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. C'est du contenu de qualité, c'est du contenu complètement gratuit. D'ici là, je te dis passe à l'action, kiffe, profite. Ciao, ciao!